Ok, biatch, nous on a fait le bon choix. D'enculé Evelyne Thomas, Émile Zola, Evry le cauchemar. L'ange humo, c'est pas du son de puceau. Mimoun King, Al Capote, Kiss Air, Gabri One, 9-1, Evry Esson, bah. On a des grands gueules, on a des grandes gueules. Achetez mon single ou je te dédicace mon middle. C'est Gabi Alka qui sert et Mimoun. On baise et Mimoun, pétasse, on fait ce qu'il est, genoune. Moi et les keufs, regard froid comme en Sibérie. Bellec à ta belle gueule, tu vas ressembler à Ribéry. On vient du Mali, baise Rachida Dati. Tout le monde est ébahi, j'ai la cocaïne de Cali. Ouais, c'est Gabi, le Malien, Colombien. J'ai enterré la colombe, c'est caché dans le Colombia. Malheur à toi. Tisa Celtia comme les Celtics. Beto venu de Londres, sponsorisé par la Belgique. Le micro est topé, j'enclenche avec un Dardog. Ferme ta gueule boys, voici le retour des bad boys. On est bisef, demande à NKF. On te paye leur AMSAF, demande à Dégueu le best. Je veux des diamants, des rubis ornés d'or. Pur une salope sur laquelle je ferai l'ordure. Mimou King qui sert une putain de morsure. À la gorge, comme de rot pur. Mes rimes, c'est de la drogue pure. Biatch, Heiji, je Harry jusqu'à Redois. J'enfonce deux doigts, trois doigts, quatre doigts. Je suis sans foi ni loi, ça gêne à bois. De la meute, c'est moi le roi. Un jour j'enculerai Nolan le roi. Comme toi derrière les miroirs. Rappelle-toi, tu me disais Mimoun t'habite et fait en ivoire. Viens, viens dans mon univers. J't'enculerai derrière la coulée verte. J'en ferai une coulée rouge, ma bouteille est coléreuse. Performante, perforeuse, une vraie foreuse. On part au bon char, on fait les bons choix. Comme ceux qui portent fou la rente, détournant des convois. C'est de la vodka, du brosca pur qu'on boit. On encule Carla et son Hongrois. On part au bon char, on fait les bons choix. Comme ceux qui portent fou la rente, détournant des convois. C'est de la vodka, du brosca pur qu'on boit. On encule Carla et son Hongrois. C'est des cours couronne et sonne. Ça nous espionne et nous questionne. Toutes mes bestioles t'impressionnent. Tous mes soldats d'office en garde à vous. Où ça va se manger des saucisses comme à Strasbourg. J'fais les choses tranquillement comme Aznavour. Avec des sentiments dans mes textes, j'parle d'amour. Salope, vaut mieux que tu trases la foule. Fission te claque la joue, toutes les parbames savourent. Faites place aux monstres, on est des mastodontes. On fait du rap trop sombre qu'éclate vos tronches. J'suis venu avec Gabi et qui sait. Qui sert. Démarrer le GSXR. On garde l'esprit gore, on est des herbivores. On arrose de vodka et Ristos. Mes associés ethniques, menace pour la société. J'tise que de la boisson soviétique. Ambiance démoniaque, j'ai trop squatté au Monac. Sale crevard, j'te laisse que le cul de joint de mon yax. Sous ma capuche, cogite, mais rien, j'capiche. Trop de crapuche, j'suis toujours une crapule à 24 biches. Il me faut ma liasse, gars. Fuck Nico Saliaga. J'lâche un crash, atteste pas ma clique de calcha. J'ai les crocs d'un castor, j'ai pas de passeport. Sarko j'aime pas sport, j'dis trop j'fais pas de sport. J'veux ma part du gâteau, j'suis pas un cadeau. Qui sert au mic, moi j'te chie dessus comme un scato. Marine rien quel but, baisse l'arbitre. J'ai ce qu'il faut dans le calbut, ton whisky coca scardure. Qui sert à Capone, Mimoun et Gabi One. On est des pirates, on casse la gueule comme des rugbyman. J'suis pas un exemple bâtard, j'suis pas ton modèle. On a le seum bien gras, on sert la pâte à modeler. On part au bon char, on fait les bons choix. Comme ceux qui portent fou la rente, détournant des convois. C'est de la vodka, du brosca pur qu'on boit. On encule Carla et son Hongrois. On part au bon char, on fait les bons choix. Comme ceux qui portent fou la rente, détournant des convois. C'est de la vodka, du brosca pur qu'on boit. On encule Carla et son Hongrois. C'est long jumeau, Evry court couronne. On entoure Paris, sale pétasse, on a la couronne. Pèse Nicolas, pas de rigolade. Gabi Alka qui sert, Mimoun connard. Motherfucker, on a des cloques. Tiens putain, prends nos beats, soccer. Soccer, soccer, soccer.